listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. Bonsoir les copains. Salut, salut. Bonsoir. Hello, hello. Bonsoir Romain. Bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. How are you guys doing? Not bad, not bad. Actually, I'm doing pretty well because we won. Oh, I know. I know. So you mean the Vikings or? What's the Vikings? Yeah, the Vikings won, except they tried to invade Paris in the Middle Age, and they didn't really succeed. The siege was long, as far as I could read. But no. Well, what was hard is to bring the Drakkars. Yeah. Down the Seine. Yeah, the Seine is pretty small. Yeah. I don't know. In any case, we were not there and I didn't see any video, so I don't know. No, that's probably some hype. Still classified. Yeah, it's possible. So, Paris won, Paris Saint-Germain won against Manchester City. Yeah. Last season, they lost against Manchester City, but they were at the higher level. Yeah. Like a quarterfinal, semifinal. I don't remember. Didn't Messi score today? Today, yeah, he did. It actually was his first score with Paris. Mm-hmm. Wasn't it its first game because he was injured? He had a couple of games he had a couple of games at least for sure. But they were also keeping him for for the big games, you know, instead of sending him to like Montpellier or Clermont-Ferrand. They probably decided that sounds it was very. I don't know, but seem to. I feel some. Or I sense some disdain in Freddy's voice. It's Montpellier, Clermont-Ferrand, Chilly-Aubois. See, the disdain is from you moving your hand and waving it up and down. I did not do that, so that's the big difference. Okay, I see. Yeah, because you're not of Italian descent. Well, I'm not either. Not either. Adrian might be. Yeah. That was funny. I had a friend like that. I have a friend who, when she speaks French, she doesn't use hands, but when she speaks Arabic. Oh my gosh, that's going fast. Yeah. Paris won 2-0 against Manchester City. That's good news. It was in Paris, and later, I think, I don't know when exactly, there's going to be the match retour, in Manchester. So we'll see about that. They have some other games in between also, but it's still the group at this point. Okay. So I had to resubscribe to Paramount Plus. To watch the game, yes. To watch it. Fine, give you $5. But I really thought it was going to be on ESPN, and I was covered, and I tried to go like in various channels, and I can't find it. And I subscribed last year at Paramount Plus, but I got annoyed because they didn't have an app for my TV. And plus, they have, if you have ad blockers and things like that, say, it doesn't work. It doesn't work. It doesn't work. Even if you have a VPN, you can't play it if you have a VPN on. I had to stop it, disable it. Yeah. Yeah, or pause it or whatever. So but it was good. It was a good game. I mean, Manchester City was not bad at all. They just didn't put any goals in. Was it in Manchester City that Ginola was playing? I don't remember. Or it was a what's the other Manchester United? Yeah, Manchester United. I can't remember which one you was playing. I think it might have been United. Yeah. Uh-huh. I think Manchester City might be more recently. More recent. Yeah, that's what I was going to say. In that league. In that league, yeah. Yeah. So yeah, and tonight we're going to listen to an EP that came out fairly recently. And so I got contacted by a band, and they were very nice about asking me to play their songs. So I said, like, yeah, please send it. And then I listened to it, and turns out that I really liked it. Mm-hmm. And so we're going to listen to three songs. Ivar? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Yeah. I posted a song on Facebook recently, like mm-hmm. 2 or 3 days ago, because I can post again. Yay! Since like Saturday, you only have 10 hours to wait. Yeah. So they contacted me and they have an EP with 5 songs and they are from France. One is from Bordeaux. I don't know for sure about the others, but what I know is I really like the song. So, and that's funny, especially with the first song. What I thought they sounded like was exactly what they put down on their website. Mm-hmm. Like something like a mix in between Noir Désir and Damien Saez. Oh. So, yeah, I think... well, that should be good. I really like him. So, right. And so you're playing 3 songs by them? 3 songs by Ivar. So it's mm-hmm. Y-V-A-R-D. Mm-hmm. Mm-hmm. And the name of the EP is Enraciné. Très bien. All right. Rooted. Rooted, yeah. Uh-huh. Ben c'est parti alors. Ben on y va. Hein. Ben on y va, ouais, mon neveu. So it's not, it doesn't work. Sorry, but no. Okay. C'est parti. Ouais, well, c'était parti, mais. Mais plus maintenant. Non, they put the volume at the minimum. Ah. So for, you know, it doesn't work really well when it's at the minimum. Je n'entends plus les voix tordues des dictateurs, décimées par ces pauvres cons. Maître du monde sème la terreur. Oh Marianne, comment peux-tu encore regarder au printemps fleurir ces champs de roses rouges, au goût amer, au goût de sang. Oh Marianne, serre dans tes bras encore tes fils qui croient en toi. Oh Marianne, offre un instant une poésie autre que ça. Oh Marianne, donne-moi encore une dernière fois un peu d'espoir de croire en toi, car je ne veux plus jamais, jamais connaître ça. Oh Marianne, l'Eldorado n'est pas là, ferme les yeux juste pour moi. Oh Marianne, l'Eldorado si c'est ça, ouvre tes yeux, dis-le pour moi. Oh Marianne, yeux sur ce que tu portes. Sur mon palier pleure chaque jour la mélombre de la morte. Oh Marianne, je t'en supplie, essuie à jamais toutes ces larmes de ces visages inconnus, fuyant les guerres et toutes ces armes. Oh Marianne, je t'en supplie, rends-toi compte de ce que tu portes. Sur mon palier pleure chaque jour la mélancolie de la morte. Oh Marianne, je t'en supplie, essuie à jamais toutes ces larmes de ces visages aussi connus que sont tes fils au bord des drames. Oh Marianne, oh Marianne, l'Eldorado n'est pas là, ferme les yeux juste pour moi. Oh Marianne, l'Eldorado, si c'est ça, ouvre tes yeux, dis-le pour moi. Quelques lignes de mon ivresse, de ton ardeur, de nos jeunesses. T'étais mon Ève, de mes sommeils, ma muse, ma reine, tu m'émerveilles. J'étais ton prince de tes espoirs, ta vie, ta plume, ton ostensoir. T'avais 20 ans, j'avais 20 ans. Tu étais ronde, devenue féconde, la télé plus en noir et blanc. Tu rêvais des couleurs du monde, fini les strass de nos 20 ans. On marchait vite sur le système, on se disait encore je t'aime. Un arc-en-ciel aussi sordide de nos nuits suaves aux voluptides. T'étais encore la femme du temps, où l'on se dévorait pourtant d'un seul regard, d'une même histoire, main dans la main vers notre pensoir. T'avais 30 ans, j'avais 30 ans. Et si le temps est assassin? Et si le temps est assassin? T'étais la mère de mes enfants, ma muse fêlée par tout le temps, qui prend le large et qui s'enfuit, d'amarres brisées, nos incompris. On marchait maintenant l'un devant l'autre, à qui de droit, à qui la faute, à se chercher puis se trouver, au sale crédit de nos années, à nos lits froids sans plus débat, à nos non-dits pervers éclats, à nos respects de s'adonner, à la rancœur du temps passé. T'as 50 ans, j'ai 50 ans. On s'est perdu au coin d'une rue, à nos chemins vices et bévues. Mais qui es-tu, toi l'étranger, de mes nuits sombres à crever? Tu es ridé par ces années, tu ne poses plus pour ton déchu les cendres froides du cendrier. Ton prince n'est plus aussi au sud. Au fil du temps, nos beaux espoirs ont mis au monde trois trajectoires. Nous qui rêvions dans nos ivresses de toujours sentir leurs caresses. T'as 60 ans, j'ai 60 ans. Et si le temps est assassin? Et si le temps est assassin? On s'endormira plus ce soir comme à 20 ans à nos déboires. Mon dernier drap et mon linceul, ma dernière bouteille, ma picole. Je te laisse à nos souvenirs, si beau, si triste, à toi de choisir. Je te vois maintenant de là-haut, j'ai plus 20 ans mais il fait beau. Tu as 100 ans, demain je crois, je t'attendrai, on recommencera. Et si le temps fut assassin, on choisira un autre chemin. Et si le temps est assassin? Et si le temps est assassin? Et si le temps est assassin? Et si le temps est assassin? Et si le temps le temps est assassin. Et si le temps est assassin. Et si le temps est assassin. Et si le temps est assassin. Et si le temps est assassin. Et si le temps est assassin. Et si le temps est assassin. Assassin. D'un Paris qui s'enflamme, d'une horde assoiffée, d'une justice infâme. J'ai vu les colères piétiner le souvenir, triomphant d'une pierre, d'une histoire de martyr. Oh yeah, oh yeah, le roi s'endort. Un palais de nantis, d'une monarchie pourtant morte, d'idées introverties, tes fidèles s'insupportent. Tu t'enivres de gloire sous les regards abjects, soudoyant le pouvoir de tes discours infects. Oh yeah, oh yeah, le roi s'endort. Oh yeah, oh yeah, le roi s'endort. Aux armes, aux larmes, toi qui craches chaque jour ton venin, ton amour. Aux armes, aux larmes, toi qui pleures ta patrie au chevet de l'insomnie. Aux armes. Cette tombe à l'agonie, la connerie d'un soldat mort sous les bombes, sous le triomphe de Paris. Une peinture fixe un éclat, hurlant de ta haine sur la mémoire d'un soldat. À nos aïeux, l'âme en peine. Oh yeah, oh yeah, le roi s'endort. Oh yeah, oh yeah, le roi s'endort. Des loyaux serviteurs aux costumes d'apparat lèchent toujours d'une ferveur tes pendantes de rats. Il t'a mis un sourire, tu te fous ses chagrins. Du haut de ton empire, tu sais bien jouer le malin. Oh yeah, oh yeah, le roi s'endort. Oh yeah, oh yeah, il n'est pas mort. Aux armes, aux larmes, toi qui craches chaque jour ton venin, ton amour. Aux armes, aux larmes, toi qui pleures ta patrie au chevet de l'insomnie. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Non, et voilà. On est revenu. Yes. So, oh, that was pretty cool. Yeah, I thought so. Yeah. I really liked it. So we heard three songs from Ivar. a band who's, I mean, they got together like in 2016 and mm-hmm. had a first EP and yeah, they contacted me recently. Well, thank you, Ivar, for contacting us. Yes. And so the first song was Oh Marianne. I think I even didn't announce the name of the songs. No. I talked about Enraciné, which is the name of the mm-hmm. EP. But the first song was Oh Marianne, and talking about France and stuff like that, and politically oriented. Le Temps est Assassin was the second song, so time is a killer. Yeah. And the last one was Le Roi s'endort, the king is falling asleep. Yeah. All right, well, that was really cool. Yeah. So we're going to listen to some announcements. No, just one announcement, I should say. And then we're going to listen to more music. So to go with it tonight, I put some more music like in the same jar. Yeah. Huh? So we're going to listen to Noir Désir. Of course. Because it's been a little bit of, I don't know if it's been that long since. I think I played it more often on French influences. Yeah, we haven't listened to that for a while. So the first song we're going to listen to is Un Jour en France from 1996 from their album 666.667 Club. Then after that, we're going to listen to L'Enfant Roi, the Child King. Child King from their album Des Visages, Des Figures. From, they say 2014, that doesn't look right. No, it might have been like a reissue. Right, maybe, you know, if it's like a greatest hits or something like that. Mm-hmm. Yeah, it's more like in the 90s too. And September, En Attendant, September While We Wait, from the same album 666.667 Club. And on y va. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Les beaux discours, au poteau les pourris, les corrompus aussi, dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun devient le regard de la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. C'est l'appel de la France, on est réminiscence de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord, n'en parlons plus. je m'écoule. Two Betties? Everybody knows about Two Betties. It's the locally owned company providing green cleaning services for residential and commercial spaces. Besides being eco-friendly, Two Betties is known for offering its employees flexibility, living wages, health insurance, and a 401k. Two Betties is looking for people to join their team now. To learn more, go to twobettiesclean.com/jobs. That's twobettiesclean.com/jobs. Et voilà. We are back. Voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy, Romain and Adrien. Mm-hmm. And we just listened to Noir Désir, a band from the 90s, who's no longer a band anymore. Because the main singer had to take some vacation in jail for killing someone. His girlfriend, who was also a very well-known French actress. Yeah, Marie Trintignant, mm-hmm. the daughter of Jean-Louis Trintignant. So he did his time and he's back out, but the band is not... Yeah, I mean, it's disbanded. So they, as far as I know, he's been doing a lot of collaboration with other artists. And he did some... like a solo, a couple of solo albums, I think, since he... I'm not sure. I haven't followed. I know he did concerts. Yeah. Tours. Well, and they created a new band called Detroit, mm-hmm. of Detroit. Detroit, yeah. Probably because not all the members of Noir Désir were available or wanted to be. I don't know for sure. But it was a big band, It was very successful and popular Désir, that was, in the 90s. Mm-hmm. Like, that was one of the big rock bands from the 90s, along with Indochine. Indochine was more like 80s. Well, actually, 80s. They came back in the 90s. But and 2000. Yeah. I mean, 2000. With, J'ai demandé à la lune, which is most popular song, actually. Yeah. But yeah, I think that in the 90s they took a hiatus. Mm-hmm. Mm-hmm. But what songs did we listen to? It was the first one was Un jour en France. Oh yeah, yeah. Then after that it was L'enfant roi, mm-hmm. and Septembre en attendant. Mm-hmm. All right, yeah, that was pretty cool. So now we're gonna listen to more music. Yeah, because yes. that's what we're here for. Yeah. We already talked about Paris Saint-Germain, so what else Nothing. Nothing. That's it. We were talking a little bit about movies and stuff, but we haven't watched many French movies or series or things like that. There's a new series on Netflix also with two seasons with some Frenchies, and they are from the suburbs. I mean, and they have superpower. They get superpower or something like that. Okay. I can't remember the name now. Well, there's one thing, but I don't think it's a series. It's How I Became a Superhero. I don't think which it's which is also on Netflix, but and that's a French... I think it's a made-for-TV movie. I don't think it ever came out in the on the big screen in France. Oh, yeah. And Family Business is coming back. With a new season? Well, the final season on the, I think it's October 8th. Yeah, how many seasons were there? Well, that will be the third one. Okay. Third and last final, one. Yeah. All right. Well, we'll see. Well, now we're going to listen to another song from Noir Désir because I love because. It. Well, and we typically can't play three songs in a row unless it's a different artist and it's a cover. Uh-huh. So it's a cover from Echo, and I think she was in The Voice. And of course, something's happening here. Someone is taking control of the PC remotely. What the heck? Yeah, I'm gonna yell about it. So Echo, she's gonna sing Le Vent Nous Portera de Noir Désir. Mm-hmm. We're going to listen to Les Fatales Picards with À la vie, à la mort. It's, normally, it's À la vie, à la mort, like to the death, but here it's À la mort, like mm-hmm. l'armorique, mm-hmm. because in the story, and it's featuring Les Trois Fromages, in the story, the guy is more from Brittany than the people in Brittany. You know, yeah, I mean, they always have the flag and stuff. And Die Hard. Yeah, so Brittany that's funny. Citizen. And then a band that I discovered on Bandcamp called Corrigan Fest,

chantant. La victoire en chantant. Moscou nous a trahis et Londres abandonné. Et le reste du monde, le dos nous a tourné. Allez frères d'armes, combattons sans drapeau. Devenus clandestins, restent nos idéaux. Allez pac pac, si la nuit est tombée. Sur une Europe chancelante où l'Espagne a croulé. Il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entendu pas au loin, le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entendu pas au loin, le chant des partisans. Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. This is Nyx the Spooky Cookie from Shadow Planet. Want to chat with your favorite DJ, learn what song is playing, suggest your favorite songs, or interact with other KFAI superfans? Join us on our Discord channel now at kfai.org/chat. Voilà! We are back. Eh ben oui. Actually, we never really left. That's true. Yeah. That's true. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. So. With Freddy, Adrien, and myself. Romain. Et alors, what did we listen to? So, we listened to three songs. The first one was interpreted by Echo. And it was a cover of Noir Désir called Le Vent Nous Portera. It was one of their big success. Yes. Like maybe second big success or something like that. Oh yeah. I think À l'arrière des taxis et au sombrero de la mer were their first big ones, and then this one came also after. Yeah. And a beautiful interpretation. Yeah, it was very nice. Beautiful. Then we listened to Les Fatales Picards, À la vie, à l'armor, featuring Les Trois Fromages. Il y a toujours un con avec un drapeau breton. And And L'Armor refers, of course, to Britney. Yeah, L'Armory. Yeah, and I like also, I mean, the lyrics are pretty funny too. I mean, I like also when he says, like, you know, he went and bought the integral of the cities of Trian. The Day came out. And The Day came out, Nahuel, another singer from Britney. He went back and got another one of the integral of Trian. So, a little bit dense, but that's funny. And then Corrigan Fest from Quebec avec La Victoire en chantant. The Victory While Singing. All right. I'm going to talk a little bit about the events, which is going to be very quick because there's only a couple. So since COVID is over, every Alliance Française went back to do everything in person as far as movie or conference. There are still some with the Federation of the Alliance Française that sometimes, you know, like they do interview with some writers or some authors, and the authors are in France, so they do the Zoom. But it seems like in France, COVID is pretty much, I mean, is the numbers are a lot lower. Going down. They just went like three times lesser than they were a couple of weeks ago. But they're already talking of a fifth, if not fifth a sixth wave. Yes. In the middle of the fall and later on during the winter. Yeah, when people go back inside with windows closed, with so and yeah, with indoor events. Yeah. That's true. And so, yeah, so there's less events. That was my point. And so one of the two events is on Friday at 9 p.m. There's going to be Well in the Thames plus 5 cents, 5 cent reality, and at Aster, the Aster Cafe in Minneapolis. Well in the Thames is a band who has on their CDs at least two or three songs in French. In French. And they speak very well French. And originals and sometimes they do a cover or two, but usually in concert. Originals. So. So they'll be there. They are fantastic. Go if you can. And just get to know them. Then the Alliance Française is going to have le Salon du Livre. Just at the Alliance Française, Minneapolis, Saint-Paul. It's not the real Salon du Livre in Paris. Oh, well, or in Nice. In Paris, it was big. I went Nice on is one huge, year. Too. Yeah. Yeah. Messina, yeah. We saw Jacques Chirac once when we were there. He was just walking around. I think he was the president then. Yeah. Yeah. I went in the mid-90s when I was walking for Circle. I think it was in 95 or 96 that I... So maybe we crossed paths without knowing. Have. Exactly. Yeah. So the Salon du Livre is Saturday at 11... it's from 11 a.m. to 3:30 p.m. And there's in particular Scott Carpenter that we had an interview of... In June? Last year. Yeah. A Midwesterner in Paris. Yeah. Yeah. Was not this June? It was no. The June before? Oh, yeah. Wow. Yeah. That's when his book was released, and it was over a year ago. Okay. Yeah. Wow. Time flies. Oh, I know. So, more information at afmsp.org event. And they said, join us for a day of presentations and panels with local Francophone auteur and literary personalities. Hear from the authors about their recent publications. Themes pertinent of the Francophone and literary world. So, yeah, it should be fun. I think I might go if my kids are not too opposed to it. Yeah. We'll see. They have Wi-Fi, so that might save me. And that's it. These are the two events. So, we're going to listen to more music. I see the phone is ringing, but we can't pick up when we are live in the studio, so you're going to have to wait for the music, and it's coming soon. We're going to listen to Calogero with the song called Fidèle. Yeah. Mm-hmm. And then we're going to listen to Columbine with a song called Cash Cash. And then we're going to listen to a third song called Maître Gims called Interlude. And it's a little bit different than what it does normally, so that's really what did appeal to me. So, all right, on y va? Eh bien, c'est parti, mon Kiki. And you want to do the announcement? Yeah, vous écoutez Fresh Air, Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est toujours Bonjour Minnesota. Et vous pouvez toujours nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota, and it is 9 p.m. in Minnesota. Fidèle à ses choix, fidèle à son café et à sa mauvaise foi. Fidèle à ses manies, toujours fidèle. Vous savez ce qu'il y a de bon dans la musique? C'est le partage. Et le partage, il commence avec ses musiciens et ses musiciennes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment respecté la parité. Mais elle joue de tellement d'instruments qu'elle vaut bien 4 garçons à elle toute seule. Et elle sort son premier album au violoncelle, à la harpe, au piano et à la guitare, s'il vous plaît. Elle s'agile. Il a un son unique, il a un toucher en or, à la guitare s'il vous plaît. Yann Fabouti. Lui aussi il est multi-instrumentiste. C'est un garçon. Au piano, à la basse et à la guitare, monsieur Cyril Nobilet. Comme un vieux couple tous les deux. On joue ensemble depuis des années. En tant que bassiste, c'est un peu mon mari ou ma fiancée. C'est vous qui choisissez. À la batterie, Christophe Dubois. Sur ses traces, elle dit qu'elle se sent mal. C'est qu'elle veut qu'on s'en aille. Encore quelques marches, marches. J'en vois encore qui se marre. Enlève ton jean et tes Nike. On se voit que quand t'es high, high. Encore un hôtel. J'suis partout nulle part chez moi. T'es trop open. Ça m'excite pas. Les portes sont closes. J'insiste pas. Ton idéal n'existe pas. Donc tu traînes. Ici là-bas, ta petite pointure sur les traces de nos pas. Dans les veines, sans écolade, sans la colère qui monte en toi. Elle et lui, n'existent pas. Je m'en sers pour raconter ce que je vois. Je passe de sa bouche à ses lèvres. J'ai passé l'âge de vivre à ta manière. Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu t'énerves? T'aimes pas Columbine, mais Columbine est célèbre. J'passe de sa bouche à ses lèvres. J'ai passé l'âge de vivre à ta manière. Dis-moi pourquoi, pourquoi tu t'énerves? T'aimes pas Columbine, mais Columbine est célèbre. Depuis que j'suis né, j'prends soin de rien. J'veux tout avoir. Message, je ne réponds plus, car je ne veux plus te voir. J'ai pas grandi pour sauver le monde. Je veux voir Paris sous les bombes. Levé à l'heure où le soleil tombe. Couleur melon, on ne fait que stagner au fil des saisons.

non, je n'en ai plus besoin. Et voilà. On est revenu. Nous sommes de retour. Voilà. So, what did we listen to? And I'm going to answer because I'm right in front of the screen. Yeah. Yeah. So, the last song we listened to was Maître Gims. Yeah, and it's a song against the war. He says he's a warrior and he doesn't interlude. Exist anymore. Interlude. Interlude. Right before that, it was Cash Cash by Colombine. Cash Cash means hide and seek. And before that, it was Fidèle by Calogero. So, we are going to listen to some more songs. Yeah, we should do that. Yeah, I think we're... I think we do a good job doing that. Yeah, so, yeah. We listen to a lot of songs. So we are going to listen to Soprano with... where is that? Le Grand Bleu, featuring MC Solar, who was extremely popular back in the 90s. In France, but I've heard, like I talked to a couple when we first had... No, when we had Julian, yeah, we met a couple, and they were, it seemed like MC Solar was pretty popular here as well. Oh, really? Yeah, for some, maybe not everywhere. Yeah, but still. But yeah. Yeah, and, Je suis l'as de pique qui, Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Yeah. Mm-hmm. We should play some MC Solar sometime. But we are now. Yeah, no, I know. But it's just, I have played some too, not that long ago. I'll check it out. Then we're going to listen to another song by Soprano, Racine, and it's from his latest album that came out like 3 weeks ago, Chasseur d'étoiles, and the first song was also from that album. And then we're going to listen to Black M, who was in the same rap band as Maître Gims, Section d'Assaut, and Black M will be singing for us French Kiss, from his album Éternel Insatisfait from 2016. So let's start with Soprano. On y va. Let's go. Ses amis l'appellent Phil, naufragé d'un amour impossible, plongé dans l'ivresse pour mieux noyer son idylle. Il avait jeté l'ancre sur l'île de son pessimisme, persuadé que Cupidon ne l'aurait plus pour cible. Mais c'est mal connaître les vents marins. Venu de l'Est, une sirène chanta son chagrin. Son regard était d'un bleu océanique, au fond on y voyait les carcasses de plusieurs Titanics. Mais pour ses yeux il prit la mer, brandit les tempêtes, un pirate à la conquête, un trésor que même les corsaires n'ont jamais pu piller. En elle brillait le mystère des plus belles pierres. Contre vents et marées, il mène sa barque malgré les vagues. Moments de vie, il rêve d'amarrer sur le bord de cet amour insensé. Malgré le danger, il rêve de plonger dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux, dans les abysses d'un regard antarctique, à la recherche d'un amour chimérique. Quoi qu'ils disent, il est pris dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux. Il trinque à l'amour en buvant la tasse, quitte à ne plus remonter à la surface de ce grand bleu. Soprano, j'en tremble, elle est lestée dans le grand bleu, dans des fonds marins, attachée par une sangle. C'est une princesse sans le lys et sans le semble, d'essence ordinaire, elle est super, il me semble. buffet le mat à la tête. Il est dans la délinquance, elle veut de la délicatesse. Puis dans la vague de l'époque, il porte un Glock non-stop. Qu'importe, l'Odyssée ne sera pas Pénélope. Non. Elle lui a parlé avec loyauté, a révélé en lui une sorte de royauté. Coup de chance ou de hasard, seul Poséidon sait, mais de toute son gang était noyauté. Le juge les condamne à s'entendre, car les contraires s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent. J'ai saisi le sens de cette sentence insensée. Grâce à sa clémence, il rêve de plonger dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux, dans les abysses d'un regard antarctique, à la recherche d'un amour chimérique. Quoi qu'ils disent, il est pris dans le grand bleu, noyé dans ses grands yeux. Il trinque à l'amour en buvant la tasse, quitte à ne plus remonter à la surface de ce grand bleu. Yeah. C'est pas l'homme qui prend la mer, mais ses grands yeux bleus. Elle dessine des arcs-en-ciel sur ses tas de bleus. Elle est le tsunami de son cœur en feu. Pour cet amour aride, dans ses yeux il pleut. Elle peut être le briquet dans la guerre du feu. Faire d'octobre rouge juste une ère de jeu. Et que le casting vu dans Rambo 2 rende les armes à ses grands yeux bleus. Africa, mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Tes larmes coulées, ton sang versé. Tes larmes coulées, y'en a assez. Y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Tes enfants rêvent que tu trouves la paix. Tes enfants rêvent que tu y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Tes larmes coulées, ton sang versé. Tes larmes coulées, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez, y'en a assez. Tes enfants rêvent que tu trouves la paix. Mon amour, Africa, mon amour, je te vois pleurer car mon amour, j'ai le cœur blessé, car rien n'a vraiment changé. L'homme le fautif, hein. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Certaines choses qu'il faut pas goûter. Arrête de dire qu'elle te dégoûte. Ah mon gars va, tes frérots sont là, t'inquiète pas ça va. Comment ça, comment ça? Oublie là, tu peux tout recommencer. Une de perdue, 10 de retrouver. Toi tu veux retrouver celle que t'as perdue. Bah ouais, quand cœur est brisé, tous les hommes ne font que dramatiser. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. De toi, tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu le veux sous le même toit, tu la veux sous le même toit. En amour, suffit pas d'y croire. Tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Ah, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Je l'aime à la folie, un peu beaucoup, passionnément. À la folie, un peu beaucoup, passionnément, pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Voilà, we are back. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Indeed. Yes. And so we listen to three songs. I mean, that's what we do. Actually, it's in Minneapolis, not Indeed. I don't know what Indeed is. Indeed is, let's make something up. It's not far from, it's a suburb of London. Is it? Yeah. Doesn't Indeed. Work. Isn't there Deeds? Leeds, I'm thinking of Leeds. Yeah. The Netherlands. Yeah. Tulips. Leeds. Leeds. I'm sure. It's in England. I'm sure there's I think one in the Netherlands as well. What are the yours? Anyways. Yeah. All right. Okay. So what did well, we whatever. Listen to? I mean, this is Bonjour Minnesota, not geography. Bonjour geography. That's true. So we listened to two songs by Soprano with Le Grand Bleu, featuring MC Solar, and Racine. And then the last song was French Kiss, and that's the title is also is in English, by Black M. Racine, the song we listened to, is pretty good. It's about, it's very much inspired by Black Lives Matter and the, I mean, Soprano is black and he said that he's worried about his kids and things like that. And he's Muslim. I didn't know that. He's, and he's from Marseille. That is probably the worst part of it. Well, I don't know. He supports. He supports Patrick L'OM. Patrick listens to us. He's listening to us right now. I don't know. Probably if not. You're listening to us, Patrick, salut. Patrick is from Marseille too, so we give some flack to each other. Yeah. So, all right. Are we ready for some more? I don't know. Yes. Ça vous a plu? Always. Alors on continue. Allez les petits loups. Yeah. So we're going to listen to. Kaki with Lundi Matin, Monday Morning. Then Touché Coulé featuring Chila by L.E.J. And then, and it's in English, the title Summer 2021 by L.E.J. or L.E.J. As well. So, and they do their song Summer is like about 4 minutes, but it's kind of a medley. Mm-hmm. And they do one like each summer. They do like a medley each summer with different songs that are well known at the time. So, okay. But yeah. Their interpretation. So that's pretty cool. Well, that will be fun to listen to. So let's start with Kaki with Lundi Matin. Oh, Monday Morning. Monday Morning. Non, c'est pas, c'est pas ça. Lundi matin, 7h du mat, j'en ai ma claque. J'arrive à sortir en boîte, mais difficile de bouger du matelas. Le temps passe vite, les gens sont lents. Je veux pas de métro, je suis sous l'eau. Noyé dans la fumée, j'aurais préféré me noyer dans les vagues. On me souffle de la fumée à la gueule alors que j'ai déjà la tête dans les vapes. Je pue la clope à cause de vous. Je suis mal barré, je te l'avoue. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est lundi matin. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, non, non, non. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est lundi matin. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, non, non, non. Ma joue s'efface comme du Velleda, j'ai pas eu le temps de me laver les dents. Ils tombent tous comme des dominos, tant mieux, ça me fait plus de base dans le wagon. Je vois une mamie qui me dévisage, un gamin qui gueule et un mec louche qui veut caresser des jambes. A chaque fois que je rentre dans ces trains de merde, c'est une chaise musicale qui s'enclenche. Chaise musicale dans le métro, chaise musicale dans le métro. Chaise musicale dans le métro, chaise musicale dans le métro. Chaise musicale dans le métro, chaise musicale dans le métro. Chaise musicale dans le métro, chaise musicale dans le métro. Police suspect, les regards aussi. Métro est bloqué, en retard au studio. Le métro parle? Merci d'avoir entendu. Plus de parasites, on repart aussitôt. Je lève la tête, une blonde fait du pole dance sur la barre. Waouh, un mec l'approche un peu avant. Hey, comment est ta señorita? Faut pas se fier aux apparences, mais il a posé la main sur son bas ventre. Les gens autour font les aveugles. J'en rigole, mais c'est pas marrant. Je m'en fiche de tous ces gens de gars. Je leur brise le cou sur la ligne 2. Que les prises de tête, il faudrait bien qu'on leur brise les. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est lundi matin. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, non, non, non. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, c'est lundi matin. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, non, non, non. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Oh oui, tu sais, leur dire je t'aime. Ils l'oublient, la même semaine. Oh, c'est le week-end. Tu joues le fier, oh, tu joues la scène. Tu sais le faire, Mais tous ces noms, non, que t'attends pas. Non, tu les entends pas. T'essayes encore 100 fois. Tu penses que ça passera. Mais non, non, non, t'entends pas. Tu la joues gars sympa. Tu lui demandes pourquoi. T'essayes encore une fois. Cherche pas à leur plaire, tu perds ton temps. Demande pas d'amour, tu fais semblant. Toujours un peu lourd, un peu tremblant. Au jeu de l'amour, tu pars perdant. Touché, touché, touché, collé. Touché, coulé. T'essaies juste encore une fois. Touché, touché, touché, collé. Touché, coulé. T'essaies juste une dernière fois. Touché, touché, touché, collé. Touché, coulé. T'essaies juste encore une fois. Touché, touché, touché, collé. Touché, coulé. C'est juste une dernière fois. Collé, collé, serré durant tous les week-ends. Tu les séduis toutes et jamais face au dilemme. Touché, touché, tes larmes t'en as trop fait couler. Ton cœur et son blâme, ne t'a jamais coûté. Oh. T'as jamais tremblé face aux histoires dérisoires. T'as même joué tes cartes sur des mots illusoires. T'as fait semblant d'aimer, tu crains. Ton cœur noir, on ne peut l'atteindre. Si la lumière est éteinte, elle voudrait te plaire, elles perdent leur temps. Demande ton amour inexistant. Dis ce cœur de pierre aux faux semblants. Les mises se répètent et se ressent. Touché, collé, touché, coulé. T'essaies juste encore une fois. Touché, touché, touché, collé, touché, coulé. T'essaies juste une dernière fois. Tes yeux sur les fessiers, tes approches sont pétées. T'ignores toutes les femmes et tes façons de faire sont douteuses. Tu fais le garçon facile, avoir tu fais pitié. T'enchaînes les conquêtes, mais tous les matins t'es tout seul. Tes yeux sur les fessiers, tes approches sont pétées. T'ignores toutes les femmes et tes façons de faire sont douteuses. Tu fais le garçon facile, avoir tu fais pitié. T'enchaînes les conquêtes, mais tous les matins t'es tout seul. Touché, touché, touché, collé, touché, coulé. T'essaies juste encore une fois. Touché, touché, touché, collé, touché, coulé. T'essaies juste une dernière fois. Touché, touché, touché, collé, touché, coulé. T'essaies juste encore une fois. Touché, touché, touché, collé, touché, coulé. T'essaies juste une dernière fois. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. I've got a fever. Let's get down to business. Head on my forehead. One more night to get this. We've had a million nights just like this. Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, suddenly, suddenly, I can feel it inside. Bad habits lead to late nights. Let's get down to business. Conversations with a stranger. One more night to get this. We've had a million nights just like this. Just cuando me ve ahí donde no llega sabe que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Hasta luego, faisant. Hasta luego, faisant. Call me by your name. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only here to sing. La, la, latinas. Call me when you want, call me when you need. Call me me in the morning, I call me when you want, call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way. Chérie Coco, fais-moi aime-moi doudou. Mais le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. I'ma leave the door open. I'ma leave the door open. Gaspille pas mon temps. Une autre a su me soigner. J'crois qu'un gangster est tombé là. Baila. You want me? Baila. I want you, baby. Baila. Such an opposition for you. Oh yeah, shit. I got my bitches out of Georgia. Fais le 911. Baila. Yeah, like me. Mais ne me regarde pas. Magadi, c'est Petrushka. Mais ne me regarde pas. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call out and freeze. Et voilà, and Clara Luciani was starting. So hold on, Clara, yeah. We're going to be right with you. Yeah, she has to hold on. Yeah, well, because no we have choice. To talk about the songs first. Yes, of course. So we listened to three songs with Lundi Matin by Kaki, followed by Touché Coulé. Featuring Chila, the L.A.G. And Touché Coulé is the other name or what's it called? Battleship. Battleship, the game. Yes. Yeah. And then L.A.G. still with Summer 2021, which is a mix basically or a medley, as you said, of songs from the summer. L.A.G. is yeah, they're a trio from the suburb. They're pretty young and doing some a little bit of electronic along with the cello. Yeah, because didn't they meet, or maybe I'm thinking of somebody else. They met at I can't remember which. That will come back to me. Classical music. I don't know. No. No, I don't think so. I'm thinking of somebody else. What's the other Night Three girls like? Band, but from also I think from Sunny or and they were actually classical singers. Yeah, that doesn't ring a bell. I know that two know of the like girls. Them, so for you just don't remember their background, but I know you like that band. It will get back. I like a lot of bands, especially with women in it. I know, but L.A.G. I know the two of the girls were like in school together, and they met. The girl with the cello a little bit later, but that might be who I'm thinking of. But we'll see. We'll do the research. Yes, I will do that right after the next songs, and it will be three songs by Clara Luciani with her second album called Cœur or Heart that she released a couple of months ago. Okay. Yes, and we're going to listen to the three songs. The first song is Cœur, Heart. The next one is Le Reste, The Rest. That's a pretty easy translation. It is. And then The Chanteur. Le Chanteur. You did that so well. The singer. One thing that always amused me, one time I saw a movie called The Mexican with Brad Pitt, and he was trying kind of like that, and can I borrow your El Troco? Trying to make things up. I mean, Brad Pitt does that very well in Inglorious Bastards. He pretends to be Italian, and it's towards the end. There, he's talking to what's his name, the Austrian actor, Christoph. Something, well, whatever. He wants him to believe that he's Italian, not knowing that Christoph Waltz. Yeah, I think that's his name. Plays in that movie. He plays a Gestapo, basically. Yes, German, and he speaks like four languages. II. Yeah, he speaks fluently Italian. And he calls on the bluff of Brad Pitt. Yes, and Brad Pitt is from Texas. Yes, and he speaks Italian with the thickest. Yeah, hey, buongiorno. So, and Le Chanteur, yeah. So let's start with Cœur by Clara Luciani. All right. C'est parti, mon kiki. Et comme un voile qui s'accroche à tous les clous. Loge, tu t'abîmes à tous les coups. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Souvent, tu te fais du mal. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne. Te faire croire au contraire, l'amour ne cogne que le cœur. Chaque fois qu'on la frappe, il y pousse une violette. On te fait du mal. Je veux pas qu'on te fasse du mal. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne. Te faire croire au contraire, l'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur. L'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne. Te faire croire le

brillantes. Les poètes. Pour y croire, il faudrait être bête. À croire que je suis bête. On n'épousait pas les chanteurs, c'est voulant enfermer le vent. C'était pas bien. This is Matt the Bridge Troll from The Root of All Evil Show. Want to have some fun and play along with your favorite DJ plus other KFAI superfans? Now you can! Join us anytime on our Discord channel at kfai.org/chat. Programming is supported by the Cedar Cultural Center, presenting Gao Hong and Isam Rafea on Sunday, October 10th. Gao Hong and Isam Rafea will perform a set of improvised music at the Cedar, celebrating the release of From Our World to Yours, a recording of their live set from Crakem Performance Hall at Carleton College in Northfield, Minnesota. Their sets reflect an interaction with the energy of a live audience. Their album was the gold medal winner from the Global Music Awards for both Best Album and Best Instrumentals. Tickets and more information at thecedar.org. Et voilà, we're back, not for long. Yeah, just say goodbye, kind of. Yes. I mean, and then we're going to leave the studio, not to Nikolai tonight, but to Elmer. Yeah. Because Nikolai is not here, but it's going to be Balkan Jamboree. Exactly. So we listen to three songs by Clara Luciani from her latest album, Cœur, with Cœur, the first song, then Le Reste, and the last one was Le Chanteur. And we also learn about the pledge drive dates. Mm-hmm. So starting October 18th until when October 27th, a Wednesday, we're going to have a week and a half of pledge drive, and we'll have time to count on you to send us some money. Indeed. Yeah, I know it's not indeed, but in Minneapolis, I know. Yes. Yeah. I did it already, so. Yeah. No, but I just wanted to make sure that you knew that I knew. Okay. Yeah. So. I don't think we're going to have time to play the three songs. But no, but. How many? One or two by Ours, de la cinquième saison. Yes. And Mitsuko, which is the name of the album as well. So, have a good night. Have a nice week, and we'll be here for you, you know, next Tuesday. Exactly, and follow us on social media too. Yes, please. You can listen to the show. It is recorded. It will be online on kfai.org tomorrow, and it will be available for about 2 weeks. And stay tuned for Balkan Jamboree. Bonsoir. De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos, dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo, et quelques gens autour, et le son de ce bourdon. Son grand ouvert, qu'on va bien pouvoir faire. De retour en septembre, on ira boire quelques verres. Mais les jours se ressemblent, qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre. Après novembre vient l'hiver, qu'on appréhende et qu'on espère. Après la coupe, le regain, le pollen et la poussière. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison. Laisse entrer l'air, le grand air que l'on inspire, que l'on espère faire trembler les cloisons. Essouffler sur les bouts de verre, nos griffures et nos vieux cotillons. Essouffler sur la poussière, les points d'usure, quand l'amour tourne en rond. Laissons grand ouvert. Venir la cinquième saison, laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison, laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison, laissons entrer l'air et laissons.